La légende des papillons. Прослушайте текст. Согласны ли вы с тем, что бабочкам нужно было следовать на землю за Евой? Au début du monde, les papillons étaient des fleurs et non pas des insectes. C'est l'amour qui leur a donné des ailes. Dans le jardin d'Éden, les roses adoraient Ève, la femme d'Adam. Elles disaient qu'elle était la plus belle et la plus parfaite de toutes les créatures. Mais Ève ne faisait pas attention aux pauvres roses. Elle était trop occupée à écouter les mauvais conseils de Aya le serpent. « Es-tu inférieure aux anges? Ne veux-tu pas tout savoir ?» Un jour, Ève a touché l'arbre de la connaissance et elle a été condamnée à quitter les délices du jardin d'Éden et à errer sur la terre. Quand les roses ont appris son destin, elles ont dit aux anges « Nous voulons partager son exil, la suivre sur la terre. » « Vous n'avez commis aucun péché ?» ont répondu les anges. « Pourquoi voulez-vous quitter ce merveilleux jardin ?»« Sans Ève, ce jardin, c'est l'exil, » ont répondu les roses. « Sur la terre, vous allez souffrir de la chaleur et du froid. »« Nous endurerons n'importe quoi, » ont répondu les roses. Et quand Ève a quitté le jardin d'Éden, triste et humiliée, les roses ont uni leurs pétales deux par deux et l'ont suivie. Elles lui caressaient les joues, voltée autour de sa tête. « Nous venons avec toi !» lui ont-elles crié. Mais Ève ne faisait même pas attention à elle. « Hélas !» se sont dit les malheureux papillons. « Regardez comme elle nous ignore, elle ne nous aime pas. Et nous voilà perdus et seuls dans ce terrible univers, sans espoir de jamais retrouver le paradis. Et c'est pourquoi les papillons volent de fleur en fleur. Ils demandent le chemin du jardin d'Éden. »